alléchante. Ta couverture argentée, d'otage transparente. Tu es bien rangé, viens dans mes poumons. Viens me changer, je veux t'acheter en Colombie ou bien à Tanger. Protège-moi des dangers, aime-moi Miss Blanche et Miss Caillou. Je mets ta jolie barrette pour voyou, voyons. Fais-moi voyager n'importe où. T'es royal et en royal, ouais, je te veux pas pécou. J'aime quand t'es pur, je suis avec toi coup sur coup. Soit tu me rends trop bien, soit tu me fais gagner des sous. Certains te traitent de salope, mais tu l'es pas du tout. Si tu n'étais pas là, y'en a plus d'un qui deviendrait fou. T'es trop ma calme, ma jolie Blanche-Neige. Je t'aime bien Marie-Jeanne, mais les Schmitt veulent te tège. Mes souffrances tu abrèges, mes malheurs tu allèges. Tout le monde te kiffe à mort, de Cador à Nadège. Pour ma jolie chérie, fais-moi voir la vie. De toutes couleurs multiples, tout est fait. Désolé, malgré le fait que tu sois super bien roulé. Pour faire un space chicken, j'injecte ton sang dans du poulet. Tu rends tous mes amis joyeux, c'est mieux que se saouler. Je voulais t'écrire cette lettre depuis longtemps. T'es naturel et de synthèse sont tes enfants. En pack beau, tu voyages très souvent. En pack tout chaud, tu soignes les mourants. Tu me fais tourner la tête des fois, j'ai les nerfs contre toi. Je me sens mal, batterie, batterie, suicidaire. Supernova, c'est pas nouveau. Tu me fais kiffer bien plus que ma Minova. La fumée dans ma gova, je te refile à mes rollas. T'es la meilleure. Dégolage, jusqu'à me donner la gola. Je te fais passer à mes dollars. De toi j'en veux trop là. En plus en métro là. Mélanger du Coca-Cola. T'es comme moi, tu fous la zone là. Nique tout comme Ebola. Oh ma jolie chérie, fais-moi voir la vie. De toutes couleurs multiples, tout est fait et rit. Oh ma jolie chérie, change-moi la vie. Planer, oui j'ai envie. De toi je suis rond. Ok négro, viens dans ma boutique. J'ai tout ce que tu veux. Viens. Ok, j'ai du LSD, de la morphine et de l'héroïne. La mescaline, la kétamine, du crack et de la cocaïne. Du volume, du PCP, de l'extasie, de la marijuana. Du hashish, du cannabis et du même d'un natura.